أوديو سنة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. Les éditions Audio Sunnah vous présentent un audio du Cheikh Abdul Razzaq Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala, dont le sujet est les grandes leçons du mois de Ramadan. Les grandes leçons du mois de Ramadan. Et nous vous souhaitons une bonne écoute, Inch'Allah Ta'ala. الحمد لله الكريم الوهاب أمر بالصيام سبحانه ورتب عليه جزيل الأجر وعظيم المآب ورتب عليه جزيل الأجر وعظيم المآب وجعل أجر الصائمين وافيا موفورا بغير حساب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له العبادة خالصة وإليه المآب. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، الرسول المصطفى والعبد الأواب، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أولي النهى والألباب. Toutes les louanges sont pour Allah, le noble par excellence, le très généreux. Lui qui a ordonné à ses serviteurs d'accomplir le jeûne en lui adjoignant une vaste récompense. Toutes les louanges sont pour Allah qui a fait que la récompense des jeûneurs est abondante et foisonnante. Et je témoigne qu'il n'existe nulle divinité digne d'adoration, si ce n'est Allah seul, sans associé. L'adoration tout entière lui appartient, et c'est vers lui que nous nous tournons. Enfin, je témoigne que Muhammad est son adorateur dévoué, le messager, l'élu, le serviteur repentant. Que les éloges d'Allah, ainsi que ses salutations, soient sur sa famille et ses compagnons, les doués de raison et d'intelligence. أما بعد عباد الله، اتقوا الله تعالى وراقبوه مراقبة من يعلم أن ربه وأن ربه يسمعه ويراه، واجتهدوا في طاعة الله وعبادته والتقرب إليه سبحانه واغتنام الأوقات قبل فواتها، فإنكم في هذه الأيام في أشرف أوقاتها. عباد الله، إننا نعيش أياما فاضلة وأزمنة كريمة وموسما عظيما للتنافس في عبادة الله والتقرب إليه سبحانه. إننا عباد الله نعيش شهر رمضان، نعيش أيامه الفاضلة ولياليه المباركة وموسمه موسم الخير والعطاء. عباد الله، إنها أيام ثمينة وأوقات مباركة ينبغي على كل واحد منا ألا يفوت خيرها وأجرها وبركتها. Serviteurs d'Allah, craignez Allah le Très-Haut et sachez qu'Allah vous observe. Soyez pleinement conscients qu'Allah vous observe avec attention. Il vous voit et vous entend. Aussi, efforcez-vous de cheminer sur le sentier de l'obéissance à Allah. Obéissez à Allah, adorez-le et multipliez les actes qui vous rapprochent de lui. Musulmans et musulmanes, nous sommes actuellement dans le mois de Ramadan. Ces nobles journées et ces nuits bénies. Nous sommes dans une période de gratification et de largesse. Serviteurs d'Allah, nous sommes dans des jours de grande valeur, une période bénie. Aussi, il incombe à chacun de nous de ne pas la laisser passer et de perdre le bien qu'elle renferme ainsi que sa récompense et sa bénédiction. موسم عظيم يتلقى فيه أهل الإيمان الدروس العظيمة والعبر البالغة والعظات المؤثرة من خلال أسراره وحكمه وعظاته وبيناته. والواجب علينا عباد الله أن نحسن التلقي في موسم الصيام وأن نحسن الاستفادة من مدرسته العظيمة. إن موسم الصيام عباد الله يعد مدرسة إيمانية تربوية مباركة يتلقى فيه أهل الإيمان عظات وعبر لا يجدونها في مثل هذا الموسم في غير لا يجدونها في موسم غير هذا الموسم العظيم. Parmi les choses qui nous incombe de savoir, c'est que le mois de Ramadan est une occasion unique, incomparable, durant laquelle les croyants accueillent et tirent bénéfice des morales et des leçons saisissantes et frappantes découlant des sagesses de ce noble mois. Aussi, il nous est obligatoire, ô serviteurs d'Allah, de nous efforcer à accueillir de la meilleure des façons les morales illustres découlant du jeûne. Il nous est obligatoire de tirer bénéfice de cette école de la foi. Il nous est obligatoire de tirer bénéfice de cette école de la foi qu'est le jeûne du mois de Ramadan. Car certes, le jeûne est une école de foi et d'éducation bénie. Les croyants tirent bénéfice des leçons et des morales issues de ce mois béni. C'est une occasion unique et grandiose qui n'a pas d'égal. عباد الله إن الصيام عبره عظيمة إن الصيام عبره عظيمة وتربيته للمؤمن مؤثرة غاية التأثير. إنك إذا تأملت أيها المؤمن في إمساكك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس في كل يوم من أيام هذا الشهر المبارك قيامك بهذا الأمر طاعة لله وطلبا لثوابه وابتغاء مرضاته سبحانه تقوم بهذا العمل سرا بينك وبين الله لا يعلمه إلا هو جل وعلا. فالصيام سر بين المؤمن وبين الله. إنك وأنت على هذه الصفة العظيمة والحال الكريمة من حسن التقرب إلى الله جل وعلا وكمال خشيته والخوف منه والإحسان في مراقبته. إن هذه الحال تدعوك إلى صلاح دائم واستقامة مستمرة وامتثال دائم لله في كل وقت وحين. Serviteur d'Allah, le jeûne du mois de Ramadan contient des grandes leçons éducatives pour le croyant et la croyante, des leçons frappantes et saisissantes. Tout d'abord, médite sur le fait que tu te prives de toute nourriture, de toute boisson, d'accomplir l'acte charnel, et cela du lever au coucher du soleil chaque jour de ce mois béni. Et tu dois le faire par obéissance envers Allah. Tu dois le faire par obéissance envers Allah, pour la récompense d'Allah, pour satisfaire Allah, qu'il soit glorifié et exalté. Tu accomplis cela secrètement pour Allah, en toute confidence avec ton Seigneur. Car le jeûne, le véritable jeûne, est une confidence entre le croyant et Allah. Telle est la situation du véritable jeûneur. Telle est sa grande caractéristique. Et c'est parmi les actes qui le rapprochent le plus d'Allah. C'est un acte de grande piété. C'est une preuve de crainte et de peur d'Allah. Le croyant appréhende le fait qu'Allah l'observe. Et ceci, ô musulmans et musulmanes, cet état t'impose la piété. Le fait que tu saches qu'Allah t'observe parfaitement t'appelle à faire preuve de droiture continuellement, constamment. Un assujettissement, une soumission aux ordres d'Allah de manière perpétuelle et permanente. أيها الصائم أيها المؤمن الصائم إن صيامك عن المفطرات إن صيامك عن المفطرات في شهر رمضان له وقت محدود وأمد معدود في هذا الشهر الفاضل. وأما صيامك عن المحرمات وعن كل ما يسخط الله تبارك وتعالى فإنه صيام مستمر دائم مستمر دائم معك في حياتك كلها وعمرك جميعه. أيها المؤمن الصائم وأنت تمتثل أمر الله جل وعلا في موسم الصيام بالامتناع عن المفطرات طاعة لله تبارك وتعالى، اعلم أنه يجب عليك أن تمتنع عن المحرمات وأن تصوم عن فعلها حياتك كلها وعمرك جميعه طاعة لله تبارك وتعالى. Ô toi le croyant et toi la croyante, ô toi qui jeûnes, tu t'abstiens de toutes les choses qui invalident ton jeûne parmi les choses licites durant une période limitée, une durée connue, c'est-à-dire durant ce noble mois de Ramadan. Tu t'abstiens de toutes les choses qui invalident ton jeûne parmi les choses licites durant une période limitée, une durée connue, c'est-à-dire durant ce noble mois de Ramadan uniquement. Cependant, tu dois t'abstenir des choses qu'Allah a interdites, ainsi que de tout ce qui peut entraîner la colère d'Allah continuellement. Et ça, c'est un jeûne continuel en réalité qui t'a été ordonné. Un jeûne de tout ce qu'Allah a interdit, qui doit t'accompagner tout au long de ta vie. Ainsi, tu obéis à Allah en t'abstenant de nourriture, de boisson, de rapport charnel durant les journées du mois de Ramadan, par obéissance envers Allah. Mais sache, ô toi qui jeûnes durant ce mois de Ramadan, qu'un autre jeûne t'est obligatoire. Sache, ô toi qui jeûnes durant ce mois de Ramadan, qu'un autre jeûne t'est obligatoire. Il t'est obligatoire de t'abstenir de commettre tout ce qu'Allah a interdit tout au long de ta vie. Tu dois t'interdire de commettre les choses qu'Allah a prohibées, et ce, tout au long de ton existence, par obéissance envers les ordres d'Allah. إن الذي أمرك بالصيام فأطعته أمرك باجتناب الحرام والامتناع منه والصيام عن فعله طول حياتك فالواجب عليك أن تطيعه. وهنا أيها المؤمن تتلقى في صيامك ما يعينك على طاعة الله بالبعد عن الحرام واتقاء الآثام امتثالا لأمر الله عز وجل وطاعة له سبحانه. عباد الله، إن المؤمن مأمور بنوع من الصيام في حياته كلها، صيام عن المحرمات والآثام. وهذا الصيام عباد الله لا يختص بالفم ولا يختص بجارحة معينة، بل هو صيام على البدن كله وعلى الجوارح جميعها. Celui qui t'a ordonné de jeûner durant le mois de Ramadan et auquel tu as obéi, t'a également ordonné de t'écarter des interdits et des désobéissances tout au long de ta vie. Celui qui t'a ordonné de jeûner durant le mois de Ramadan et auquel tu as obéi, t'a également ordonné de t'écarter des interdits et des désobéissances tout au long de ta vie. Et de ce fait, il t'est obligatoire de lui obéir durant ce mois de Ramadan et après ce mois de Ramadan. Il t'est obligatoire de lui obéir durant ce mois de Ramadan et après ce mois de Ramadan. Et durant ce mois béni, tu vas être gratifié de ce qui va t'aider à obéir à Allah, ce qui va t'aider à t'écarter des interdits, ce qui va te protéger des péchés en obéissant aux ordres et aux commandements d'Allah. Et sache, serviteur d'Allah, que le croyant s'est vu ordonner plusieurs types de jeûnes durant sa vie. Le croyant doit s'abstenir de plusieurs genres de choses durant sa vie. Le musulman et la musulmane doivent s'abstenir des choses qu'Allah a interdites et des péchés. Le jeûne, en réalité, ne se limite pas uniquement à la bouche. Le jeûne ne se limite pas à un seul organe. Tous tes membres sont concernés. Ton corps tout entier est concerné.